y a 15 jours, l'usine Lubrizol à Rouen s'enflammait. Elle contenait au moins 5 500 tonnes de produits chimiques divers, plus vraisemblablement 4 000 autres tonnes dans l'entrepôt voisin, également parti en fumée. Ce matin, des analyses indiquent que le taux de dioxine des polluants organiques dans l'air, ce taux est 4 fois supérieur à la normale. Plusieurs riverains sont encore hospitalisés et jusqu'à présent, le gouvernement indique qu'il n'y aurait pas de preuve de toxicité. Pourtant, la dernière mouture de la norme Seveso 3 met l'accent sur l'information du public avant tout. Seveso, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Seveso, jusque-là tout va bien. C'est le programme chimique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette norme Seveso, ce que peut la science et ce qu'elle peut aider à dire, à faire ou à comprendre, dans le cas d'un accident industriel, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Gard-Lozère à Nîmes, Alain Dorizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, et ancien directeur régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement. Et nous sommes ici à Paris, à la Maison de la Radio, avec Thomas Leroux. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes historien, chargé de recherche CNRS à l'EHESS et spécialiste des risques et des pollutions industrielles. Mais avant cela, hasard du calendrier, eh bien, c'est ce matin que le prix Nobel de chimie a été remis, évidemment pas à Lubrizol a priori. On vous explique tout dans le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et oui, c'est la semaine des Nobel, troisième Nobel depuis lundi, 3 récompenses, 9 lauréats, pas une seule femme, une année de plus, et on va le doter tout de même, ça commence à se voir. Le prix Nobel de chimie a été donc attribué ce matin à un trio de chercheurs, l'américain John B. Goodenough, donc l'anglais Stanley Whittingham et le japonais Akira Yoshino pour leur invention de la batterie lithium-ion, Natacha. La batterie lithium-ion, c'est l'une des avancées en électrochimie les plus importantes du XXe siècle. C'est ce qui a ouvert la voie au sans-fil. Aujourd'hui, on l'utilise partout, les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures électriques. Ces trois chercheurs ont chacun joué un rôle dans cette découverte. Le premier, Stanley Whittingham, créé dans les années 70, en pleine crise du pétrole, la première batterie au lithium. À l'époque, c'est la première fois qu'on a un système électrochimique dans un système de batterie qui passe d'un électrolyte aqueux à un électrolyte organique. En utilisant le lithium, cela a multiplié le potentiel des batteries par 3, avec plus de densité d'énergie et plus d'autonomie. Mais elles étaient encore trop explosives pour être viables, ces batteries. John Goodenough améliore ensuite ses caractéristiques. Jean-Marie Tarascon est professeur au Collège de France et responsable de la chaire chimie solide et énergie. En France, John Goodenough, c'est presque le père de la chimie du solide. Pourquoi ? Et sa contribution au niveau de l'électrochimie et des batteries à ion lithium, ça a été directement de choisir les bons matériaux d'électrode, c'est-à-dire ce fameux l'oxyde LiCO2 qui est aujourd'hui dans la plupart de nos accumulateurs à ion lithium. C'est grâce à ces recherches que ces batteries sont devenues plus puissantes. Et la contribution du japonais a été d'apporter le matériau d'électrode négatif qui est le carbone, qui va s'opposer à l'électrode positive, parce que la particularité du lithium-ion, c'est que dans ce cas, eh bien, vous n'avez plus de lithium métal, vous n'avez que des ions lithium qui vont faire la navette entre votre électrode positive et votre électrode négative. D'où il n'y avait plus de problème de dendrite et la raison pour laquelle la technologie a pris l'ampleur qu'elle a prise. Oui, voilà, et on va vous mettre évidemment le lien sur le fil Twitter, comme chaque jour, vers la page Facebook et le lien surtout vers le site franceculture.fr, où vous allez retrouver évidemment tous les liens pour comprendre les études, les émissions, notamment ceux de la méthode scientifique, qui sont liés à ces prix Nobel et à ces trois prix Nobel de sciences, sur lesquels nous reviendrons évidemment dans le journal des sciences de vendredi. Et on passe au bref. Selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Proceedings of the Royal Society London, la pollinisation des cultures de colza par les abeilles est plus rentable que l'utilisation des pesticides. Et c'est la conclusion des chercheurs de l'INRA et du CNRS. Pendant 4 ans, ils ont comparé les rendements de différentes parcelles d'agriculteurs. Ceux qui utilisent des produits phytopharmaceutiques comme insecticides ou herbicides, et ceux qui ne le font pas, mais qui ont de nombreuses abeilles. Dans les deux cas, les récoltes sont élevées, les rendements sont similaires, mais les parcelles avec un grand nombre d'abeilles font plus de bénéfices économiques. Ce qui fait la différence, ce sont les coûts des pesticides, ils n'augmentent pas assez les récoltes pour contrebalancer les frais. Cette nouvelle étude montre que l'agroécologie peut aussi être un modèle économique rentable. Dans la revue Mammalian Biology, pour la première fois, une équipe française vient de découvrir que les cochons peuvent utiliser des outils. Après le corbeau, le chimpanzé, le castor, le crabe boxeur et le dauphin, la liste s'agrandit depuis les années 60. Dans la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, les chercheurs ont observé les sangliers de Visaya en train de construire leur nid. Pour cela, ils utilisent une écorce de bois pour creuser le sol, un savoir-faire qui est transmis aux porcelets. On savait cette espèce intelligente, mais on ignorait cette capacité cognitive. Cette étude nous rapproche encore un peu plus du cochon. Et selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal, une vie microbienne pourrait être possible dans l'atmosphère des naines brunes. Les chercheurs de l'université de Harvard ont calculé cette probabilité parce que les naines brunes réunissent plusieurs conditions favorables à la vie. Elles produisent de la chaleur et se refroidissent progressivement avec certaines zones qui vont de moins 23 à 76 degrés Celsius. Elles ont des pressions atmosphériques proches de l'atmosphère terrestre et elles présentent des ingrédients chimiques clés de la vie. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Néanmoins, les possibilités de survie d'un organisme dans un environnement gazeux sont presque nulles, mais l'étude suggère que la vie microbienne pourrait dériver dans l'atmosphère des planètes qui gravitent autour des naines brunes. Par conséquent, dans la recherche d'une vie extraterrestre, ces astres pourraient être de meilleures cibles. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, un Journal des Sciences que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr, ainsi que bien toutes les études qui viennent d'être citées et bien plus via le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. C'était donc dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre, l'usine de solvants chimiques Lubrizol s'embrase, près de 10 000 tonnes de produits chimiques divers, dont la liste reste encore d'ailleurs à connaître en détail, s'envolent en fumée, produisant un panache de fumée noire, âcre, irritante, qui va s'étendre jusqu'à la région des Hauts-de-France. Dans un premier temps, les messages des autorités ont été ressentis comme contradictoires. Fallait-il rester confiné ou aérer son domicile, partir ou rester? Quelle était la nature exacte de cette pollution aérienne? Était-elle ou non toxique à court, à moyen ou à long terme? Des réponses auxquelles les pouvoirs publics ont eu un certain mal à répondre, donnant parfois au mieux un sentiment de confusion, au pire l'impression de dissimuler la vérité. Écoutez la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe le 30 septembre, soit 4 jours après la catastrophe. Et encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des analyses qui sont à notre disposition nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause, que les odeurs que nous sentons et que nous sentons aujourd'hui au moment où je vous parle, nous sentons ailleurs dans la métropole rouennaise et parfois au-delà, sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, qu'elles peuvent entraîner en effet un certain nombre de réactions, mais qu'elles ne sont pas nocives. C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens, et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques. Il y a des gens qui sont malades ce soir, monsieur le ministre. Ils sont pris de vomissements, de diarrhées, de nausées, de maux de tête. Eh bien, là encore, nous allons faire tout ce qui est dans nos capacités pour les accueillir dans de bonnes conditions. Je ne dis pas que les odeurs ne sont pas gênantes, encore une fois. Je vous dis simplement ce que disent les analyses qui m'expliquent qu'elles ne sont pas nocives et qu'elles sont gênantes. Voilà. C'est tout à fait le sens des analyses qui nous sont données. Voilà le Premier ministre Édouard Philippe le 30 septembre dernier après l'incendie de l'usine Lubrizol. Peut-être une réaction à cette déclaration Alain d'Horizon. On entend bien que le Premier ministre se réfugie derrière les rapports qui lui sont remis, comme il le dit, par les scientifiques et les techniciens. D'abord, je crois que on se réfugie pas. On attend de savoir pour agir. Alors, d'abord, il faut voir une installation industrielle. Ça peut présenter trois types de risques. Les deux premiers, je vais passer rapidement dessus. Donc, le premier, c'est le risque thermique, c'est-à-dire c'est la chaleur, la boule de feu, la chaleur dans les installations pétrolières, par exemple. Le deuxième, c'est le risque de surpression, c'est-à-dire clairement le problème d'explosion. C'est le cas d'AZF, la catastrophe AZF. Et puis le troisième risque qui va nous occuper, je pense, beaucoup cet après-midi, c'est le risque toxique. Alors ce risque toxique, pour simplifier, pour simplifier, il se présente sous deux formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle le risque immédiat, ou le risque à court terme. En gros, vous sortez dans la rue, il y a des gaz toxiques et vous avez immédiatement des effets graves sur votre santé. Et puis, le deuxième type de risque, c'est le risque toxique chronique. C'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps pour que les effets cumulatifs de l'ingestion ou de la respiration des produits en question aient des effets sur votre santé. Alors, on comprend bien qu'il est relativement facile d'apprécier rapidement le risque toxique immédiat. Pourquoi ? Parce que dans les installations Céveso dont on parle, ces risques, ils sont bien connus. On sait, a priori, quels sont les produits toxiques qui sont conservés dans l'entreprise. A priori, on va voir que c'est pas si simple priori, que ça. Voilà. A priori, pour ce qui est des risques majeurs, on le sait. Vous avez un stockage de chlore, qui est le risque majeur d'une entreprise. On sait très bien que s'il y a du chlore qui se diffuse dans l'atmosphère, c'est très, très ennuyeux. Donc pour des risques majeurs d'effets immédiats, en règle générale, on sait. En revanche, pour ce qui est du risque toxique à long terme, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Et c'est spécialement compliqué quand il y a un incendie. Parce que les produits qui sont dans l'entreprise, et que, encore une fois, a priori, l'administration connaît, parce que l'industriel a l'obligation de déclarer à l'administration, ils se transforment au cours de l'incendie. Ils sont brûlés. Donc il y a des produits secondaires. Donc la première chose à faire, qui explique que c'est long, c'est de déterminer quels peuvent être les produits qui vont être transformés par l'incendie et les risques qu'il déploie. Parce que, après, pour analyser, et on parle de chimie, là, excusez-moi, je vais être un peu technique. Allez-y, au contraire. L'analyse chimique, ça ne consiste pas à mettre quelques gouttes de produit dans un tube, de mettre ça dans une machine, d'appuyer sur un bouton et ça vous sort ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on fait de l'analyse chimique, on recherche certaines catégories de produits. Donc, pour rechercher des produits, il faut savoir s'ils ont été produits. Donc, une première chose qu'a faite l'INERIS d'ailleurs, c'est, au vu des stocks de produits qui existaient chez Lubrizol, c'est de voir les produits toxiques qui pouvaient en dériver dans le cadre de l'incendie, et ensuite de déterminer les méthodes d'analyse qui vont pouvoir rechercher cette classe de produits, par exemple les hydrocarbures polycycliques, les métaux lourds ou les dioxines. Et on va revenir. Oui, allez-y, je vous laisse terminer, mais on va revenir dans le détail hein, sur ces démarches-là qui sont très importantes pour comprendre effectivement la nature de ces produits de combustion et savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir une liste au final des effets à court, à moyen et à long terme. Mais je vous laisse terminer, allez-y, Alain. Et enfin, il faut savoir où aller les chercher. Voilà. C'est clair que l'incendie, il y a de la fumée, et la fumée, elle se disperse. Donc il faut tenir compte des vents, de la météorologie, etc., pour avoir une idée de la dispersion des polluants. Ce qui explique que pour ce qui est des risques toxiques à long terme, eh bien, c'est long. Il faut attendre les résultats des analyses et avoir fait tourner des modèles de dispersion, etc. Je me retourne vers vous, Thomas Leroux, parce qu'il y a évidemment, et on l'a entendu ces 15 derniers jours, un vrai problème de communication et de confiance dans la parole publique, dans ce qui a été dit, dans les déclarations des différents ministres. Or, on va parler aujourd'hui de la norme Céveso. La norme Céveso, qui est celle qui est en cours actuellement, c'est la norme Céveso 3, qui est appliquée depuis 2015, créée en 2012, et je cite, qui doit renforcer encore les dispositions relatives à l'accès du public aux informations en matière de sécurité, sa participation au processus décisionnel et l'accès à la justice. On a l'impression que là, on est passé complètement à côté du sens ou de la volonté de cette directive. On est passé à côté parce que c'est effectivement compliqué. Comme ça vient d'être souligné, il est compliqué d'établir la nocivité de certains produits. Ce qui est remarquable dans la déclaration du Premier ministre, c'est cette démarcation entre nocif et gênant. C'est vraiment une limite qui est récurrente dans tous les accidents industriels et dans toutes les prises de parole publiques en cas d'accident. C'est-à-dire que c'est de faire cette distinction et quoi que les populations ressentent des effets, par exemple des vomissements ou des nausées, c'est de dire que c'est seulement incommode en quelque sorte et pas du tout insalubre ou dangereux pour la santé. Ça, c'est vraiment une récurrence. En tant qu'historien, on le retrouve très très régulièrement dans les archives, cette distinction qui permet en fait de gérer le risque sur une durée beaucoup plus longue et donc de faire persister l'incertitude qui est aussi réelle. Un autre aspect assez remarquable de la déclaration, c'est une parole publique d'un régulateur, en fait, de l'autorité, qui se réfugie derrière les savoirs scientifiques et techniques. C'est-à-dire que normalement, c'est à l'autorité de décider, mais elle se réfugie derrière une expertise. Du fait de la complexité des processus et des produits, il est vrai. Ça témoigne en fait du fait que la science et la technique sont vraiment des acteurs vraiment prédominants dans la gestion du risque, alors qu'il pourrait y avoir d'autres acteurs, des juristes, des comités de quartier, du simple voisinage, les sciences sociales, d'autres domaines en fait qui pourraient apporter aussi leur propre expertise. Et quand on regarde aussi dans l'histoire la façon dont sont gérés les risques, Céveso, on va peut-être en parler, mais c'est l'héritier d'une longue chaîne de réglementation. Et quand on se place dans différentes périodes, différentes zones aussi géographiques, on se rend compte que les scientifiques n'ont pas toujours été les principaux experts de la régulation des risques, que les techniciens non plus, que les ingénieurs non plus, et que finalement les normes Céveso actuelles, elles rassemblent les techniciens et des ingénieurs comme experts privilégiés du fait de la complexité des processus à l'œuvre, mais c'est pas une évidence en fait. Ça mériterait d'être questionné. Ce qu'on entend surtout, j'ai le sentiment depuis une quinzaine de jours dans cette déclaration du Premier ministre, on pourrait parler de celle de la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui dit: moi, j'assume parfaitement de dire que nous ne savons pas du tout, mais qu'au fur et à mesure que les jours passent, nous sommes rassurés. Pour avoir la citation dans l'ensemble, c'est qu'effectivement aujourd'hui, Alain Dorizon, les décideurs politiques n'ont pas accès immédiatement, ou que la science n'a pas su produire immédiatement une somme documentée, scientifique, attestée pour permettre la prise de décision, et que de l'autre côté, on a des gens, des riverains sur le terrain qui sont malades, qui sentent la fumée, qui ont effectivement des nausées ou des maux de crâne ou des vomissements, et que là, il y a une sorte d'aporie entre l'incapacité à produire immédiatement une somme scientifique qui permette de comprendre ou d'appréhender la situation, et de l'autre côté, eh bien, des effets concrets sur le terrain qui laissent penser au pire et qui du coup laissent ouverte la porte à l'idée d'une dissimulation de l'information ou à d'autres forme de thèse de quelque chose de plus grave que ça ne pourrait l'être véritablement. Qu'en pensez-vous ? Bon, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, j'ai beaucoup parlé, mais c'est à vous maintenant. Alors moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la science, enfin c'est ma conception, fondamentalement, l'expertise technique, c'est pas aux scientifiques de décider. C'est aux scientifiques d'apporter, du mieux qu'ils le peuvent, des critères de décision aux autorités, d'une manière générale. Bon, ça, c'est un point qui me paraît tout à fait important. Alors, un autre sujet, on peut discuter à l'infini de ce que c'est que la gêne et de ce que c'est que la toxicité, et on peut avoir là-dessus des propos technocratiques extrêmement tranchés, qui consistent à dire « mais vous n'en faites pas, vous vomissez, vous mettez la tête, mais c'est pas grave, vous n'allez pas mourir de ça ». Alors ça, je pense... Ce qui est déjà compliqué à entendre pour les citoyens. Oui, tout à fait, c'est des discours qu'on ne peut pas tenir, parce que le citoyen, lui, voit midi à sa porte et il voit les difficultés que ça cause. Bon. Et puis, également, je ne sais plus ce que je voulais dire. Que le citoyen, il a des vomissements et qu'on est de ce côté-là, oui, et qu'effectivement, voilà, il y a une inquiétude légitime qui est générée. Il y a une grosse difficulté de communication. Alors, il y a un point également qui me paraît avoir son importance, c'est qu'on avait soulevé lorsqu'en 2013, j'avais fait avec des collègues un rapport sur l'incident de Lubrizol en 2013, où c'était de l'émission de produits extrêmement, extrêmement nauséabonds. Qui avait causé des vomissements aussi d'ailleurs. Voilà, causé des vomissements, et il y avait exactement la même difficulté. On disait aux gens, c'est pas dangereux parce que en gros vous n'avez pas gravement malade là-dessus, et puis vous aviez des gens qui vous expliquaient, qui vomissaient, etc. Donc effectivement, il y avait de graves difficultés. L'administration a peut-être eu une propension à traiter en priorité, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, le risque majeur. On l'avait vu très clairement sur l'incident de Lubrizol de 2013, où pour ce qui est des produits soufrés, l'attention de l'administration et les précautions prises par l'industriel d'ailleurs portaient essentiellement sur le risque majeur qui était lié à l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz extrêmement toxique. En revanche, les émissions des produits qui sentaient mauvais, c'est du mercaptan, hein, c'est des produits soufrés, c'est ceux qu'on met dans le gaz pour qu'ils... Pour qu'il ait une odeur et qu'on puisse s'en rendre compte, voilà, au cas où il y a une fuite. Exactement. Oui. C'était un risque de deuxième ordre et on y avait prêté moins d'attention. Et j'ai le sentiment que l'action administrative, d'une part, et la gestion de crise, d'autre part, étaient en fait essentiellement orientées et gouvernées par le risque majeur. Et je pense qu'il faut prendre en compte, il vaut mieux prendre en compte ce que j'appellerais le risque de deuxième ordre, hein, qui est le risque effectivement qui a été constaté par tous les riverains, de tout ce qui est gêne, vomissement, mauvaise odeur, etc. On sait traiter en gros le très gros risque, et quand on arrive à des risques de catégorie inférieure, en termes d'impact sanitaire, on sait moins bien faire. Un dernier mot à propos de cette actualité, puis on va essayer de prendre un peu de champ, mais tout de même, ce matin, première analyse commence à tomber, le taux de dioxine dans l'air a été mesuré, il est 4 fois supérieur à la moyenne. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Alain d'Horizon, de ces relevés? Je suis pas expert des dioxines. Ce sont des polluants organiques, hein, les dioxines. Oui, non, je sais bien ce que sont les dioxines. Je dis ça pas pour vous, je dis ça pour les auditeurs. Ouais. Non, je suis franchement pas capable d'apprécier. Il y a effectivement des produits qui ont dépassé la norme. Alors, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ça, je ne suis pas capable de vous répondre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous allons donc essayer de comprendre ce que c'est que cette norme Seveso. Nous allons voir que des accidents Seveso, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un accident de grande ampleur, mais qu'ils sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le dit. Nous en parlons avec Alain d'Horizon qui est avec nous en duplex depuis Nîmes et Thomas Leroux ici présent à mes côtés. Comment les sciences peuvent intervenir? Comment est-ce qu'elles peuvent aider à comprendre et à réparer dans ces cas de catastrophes industrielles? Des catastrophes qui sont bien évidemment concomitantes du développement de l'industrie, hein, notamment de l'industrie chimique à partir du 19e siècle. Il faudra attendre 1976 et un accident de grande ampleur en Italie pour que naisse la norme du nom du village où s'est produit l'accident. Retour le 27 juillet 1976 à Seveso, quelques heures après l'accident. Près de 1000 ans, un gaz toxique a peut-être tué une jeune femme. À Seveso, le 10 juillet, un accident dans une usine, une cuve explose, un gaz s'échappe. Pendant quelques jours, les autorités italiennes ne s'inquiètent pas trop, banal incident de pollution. Puis subitement, hier, on évacue deux villages, la zone est isolée par l'armée et on recommande à la population de ne plus concevoir d'enfants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poissons morts dans les rivières, la pollution s'attaque à l'homme directement. L'armée italienne sont venues faire évacuer deux villages. Attention, zone infestée, et toute cette zone a été isolée par des clôtures. L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. Une réaction que l'on contrôle mal quand on en a bien contrôlé 1000. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichlorophénol. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, les ouvriers qui fabriquaient dans cette usine des essences, du parfum, des cosmétiques, des désherbants, ont dû partir. Le village est vide, mort. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux. Non, c'est-à-dire que le produit que nous produisons n'était pas terriblement toxique, c'était le trichlorphénol. Nous savions qu'en fabriquant le trichlorphénol, il pouvait y avoir certains dangers d'impureté qui, elles, pouvaient être toxiques, et c'est celle-là qu'il fallait surveiller, et ça, nous l'avons fait. Voilà l'extrait du journal de France, d'Antenne 2, pardon, à l'époque, en juillet 1976, une réaction, Thomas Leroux. Oui, on parle beaucoup d'énormes Seveso depuis quelques jours et effectivement le nom est associé à cet accident en Italie du Nord. Il faut prendre un peu de recul pour bien comprendre qu'en fait toutes les sociétés humaines ont toujours eu des réglementations pour gérer les risques, que ce soit dans des sociétés anciennes par la coutume tout simplement ou par des polices locales ou des cours de justice ou des réglementations à l'échelle des États, voire plus loin, comme à une autre échelle, comme Seveso, à l'échelle de l'Union européenne, par exemple. C'est une norme européenne, rappelons-le. Hein. Oui. Elle est revue régulièrement, on y revient. Et en fait, la première directive Seveso, c'est 1982, donc c'est quand même 6 ans après l'accident. L'idée, c'était d'harmoniser les réglementations nationales qui existaient dans tous les pays, afin que les entreprises ne soient pas en concurrence déloyale sur telle ou telle norme. Hein. On sait bien que moins il y a de normes, plus l'entreprise va être compétitive, par exemple. même si les risques d'explosion ou d'accident sont plus importants. Et donc, il s'agissait dans l'Union européenne, en fait, d'harmoniser ces réglementations pour créer une forme d'intégration économique aussi et de règles de courtoisie et de non concurrence déloyale. Donc en fait, ça reprenait des dispositions qui existaient depuis très très longtemps. Je peux revenir un petit peu sur cette histoire. Oui, bien sûr, si vous. En fait, les réglementations, donc comme je l'ai dit, elles sont très très anciennes, aussi anciennes que les sociétés existent. Mais si on veut faire la filiation directe, ces normes Seveso, elles découlent de lois nationales, donc qui ont été prises au début du 19e siècle. La première. C'était une loi française en 1810, c'était d'ailleurs la première loi au monde à l'échelle de la nation qui réglementait ces industries. Et ensuite, l'esprit de cette loi, donc qui associe à la fois de la prévention et de la surveillance, s'est répandu dans toute l'Europe, puisqu'en 1810, je rappelle qu'on est au sommet de l'Empire napoléonien et que, comme le Code civil ou le Code pénal, en fait, ce sont un ensemble de dispositifs juridiques qui se sont diffusés dans toute l'Europe et puis ensuite dans les pays de common law comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc ces normes Seveso, en fait, elles découlent d'un pacte qui s'est établi au début du 19e siècle, un pacte qui s'est établi entre les sociétés, l'industrie et l'environnement, qui considérait que, et qui revenait à dire que l'industrie était bonne pour la prospérité économique, qu'elle était donc d'utilité publique, elle permettait d'enrichir les nations, de concourir au bien-être et qu'il fallait la protéger en quelque sorte. Et pour bien comprendre aussi, quand je dis protéger, il s'agit de la protéger parce que avant ces lois, en fait, les industriels étaient soumis à des pressions sociales extrêmement fortes, pression du voisinage, pression des justices, parce qu'il n'est jamais agréable de vivre à côté d'une usine incommode, insalubre, polluante, et que ces usines étaient sans arrêt sous la menace de procès qui pouvaient aboutir et qui aboutissaient bien souvent à avec des ordres de suspension, voire de destruction. Donc avant le début du 19e siècle, en fait, l'industrie et les risques étaient tout à fait pris en charge par les autorités, et notamment par des autorités de proximité. Et parfois, donc, les lieutenants civils ou les lieutenants de police locaux faisaient fermer les usines, souvent sans indemnité, parce qu'elles étaient supposées dangereuses pour la santé publique. Et comme on est aussi au début de l'industrialisation et que les différentes autorités, les différents gouvernements souhaitaient industrialiser leur pays, notamment pour des questions de concurrence. En fait, toutes ces règles locales qui étaient des règles de nuisance, hein, c'était la catégorie juridique qui était mobilisée, la question de nuisance, et donc c'était une catégorie sociale et juridique. Toutes ces règles, en fait, ont été détricotées pour être refondues dans un nouvel ordre juridique qui est celui de la loi et héritier, ancêtre des directives Seveso, et qui considérait à dire que finalement il y aurait un système de prévention et de surveillance, mais qui serait assis sur une expertise qui serait non plus sociale, juridique ou de proximité, mais scientifique. Ce que vous êtes en train de dire et ce qu'on comprend à demi-mot, Thomas Leroux, finalement, c'est que l'expertise scientifique a permis de chasser ou de mettre de côté, en tout cas, certain nombre d'exigences sociales ou de protections sociales, justement, qui protégeaient plutôt, qui étaient plutôt du côté du citoyen, et que ces directives-là sont plutôt du côté de l'industriel, en fait. C'est ce qui se passe à partir du moment où ces normes sont mises en place au début du 19e siècle. De nos jours, la science a peut-être un rôle qui est différent de cette époque-là, mais effectivement, au début de l'industrialisation, la science est très favorable à l'industrialisation, parce que il y a la question de la science appliquée et donc de l'utilisation des découvertes scientifiques dans des usages technologiques. Et les scientifiques de la première moitié du 19e siècle sont absolument fascinés par les développements technologiques et les promesses, en fait, de ce développement pour la prospérité générale. Ce qu'il faut bien comprendre, peut-être pour revenir au présent aujourd'hui, c'est que donc Seveso, ce sont des directives européennes qui sont revues régulièrement. La dernière a été revue en 2012 et est appliquée depuis 2015. Mais Alain Dorizon, on parle de l'accident de Lubrizol, ce que je disais tout à l'heure, des accidents Seveso, il y en a toutes les semaines quasiment. Bah, tout dépend où vous mettez le curseur de ce que c'est qu'un accident. C'est vrai que malheureusement, il y a très régulièrement des accidents industriels en France comme dans le monde. Il y a d'ailleurs un bureau spécialisé du ministère chargé de l'environnement qui s'appelle le BARPI, qui est basé à Lyon et dont le métier est précisément de recenser tous les accidents industriels qui se produisent dans le monde. voudrais revenir un peu sur En France, juste pour préciser, en France, le nombre d'accidents, donc des accidents qui ne sont pas de l'ampleur de celui du Lubrizol, mais d'accidents industriels néanmoins sur des sites classés Céveso, ce nombre est en augmentation depuis tous les ans. Régulièrement, ça augmente d'une dizaine chaque année. On est autour d'une centaine d'accidents par année en France. Oui, je ne suis pas persuadé que le nombre d'accidents déclarés soit un indicateur suffisant. Pourquoi ? Suffisant, je dirais pas pertinent, je dirais suffisant. D'abord parce que les industriels sont obligés de déclarer de plus en plus, premièrement. Et puis, deuxièmement, encore une fois, où est-ce que vous réglez le seuil de l'accident ? Effectivement, si on voit bien que plus vous abaissez le seuil à partir duquel il faut déclarer l'accident, et plus vous allez avoir d'accidents. Je voudrais revenir sur ce que disait Thomas Leroux, qui est important, et je n'ai certainement pas son érudition. Il a dit des choses, moi, qui me paraissent tout à fait importantes, c'est que on n'a pas attendu Céveso pour réglementer et surveiller les installations industrielles. D'ailleurs, il y a l'inspection des installations classées qui existe et qui contrôle toutes, alors je dis les entreprises pour faire simple, toutes les entreprises qui peuvent avoir un impact notable sur l'environnement. Alors parmi toutes ces installations classées soumises à déclaration, enregistrement, autorisation suivant le degré qu'elles présentent, il y a une catégorie particulière, effectivement, qui est les installations dites Céveso, qui sont celles qui présentent les risques les plus importants. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Peut-être, effectivement, je n'ai certainement pas les compétences historiques pour le dire. Au début du 19e siècle, l'industrie devait être protégée des riverains. On a totalement changé d'optique. Oui. Maintenant, quand même, l'action de l'administration, je le sais bien parce que j'ai dirigé dans trois régions, c'est clairement de protéger l'environnement d'une manière générale, et les riverains en particulier pour ce qui nous concerne, des effets que peuvent produire les industries. La difficulté fondamentale qui existe, c'est que pour une très très grande partie, l'industrie, d'une manière générale, elle est située près des habitations. Alors, pour des raisons historiques, bien sûr, mais on a quand même un problème fondamental à régler, qui est de la cohabitation de l'industrie avec les habitations. Qui est souvent, et je parle sous votre contrôle, quelque chose qui se produit a posteriori. C'est-à-dire que souvent les zones industrielles sont construites à l'écart des villes et puis l'urbanisation gagnant. Oui, Alain de Raison. C'était typique sur AZF, par exemple. Sur AZF, oui, tout à fait. Historiquement, c'est une usine qui a été construite à la campagne. Et puis, pour des raisons qu'on imagine bien, l'urbanisation a gagné. Et finalement, l'usine s'est trouvée dans l'agglomération toulousaine. Vous avez d'autres facteurs, par exemple. Il se trouve que j'habite pas très loin d'une usine Céveso. Ouais, par ailleurs, comme à peu près tout le monde, Alain d'Horizon, sur les 1312 sites Céveso en France, tout le monde habite pas très loin d'un site Céveso à propos. Moi, je dois habiter à 2 km d'un site Céveso. Voilà. Thomas Leroux, tout le monde habite près. Il y a tellement de sites Céveso en France qu'on habite tous à moins de 10 km d'un site Céveso. J'exagère, mais pas tellement. Oui, je crois qu'il y a 2,5 millions ou 3 millions de personnes en France qui habitent, à moins de 500 mètres d'un site Céveso, quelque chose comme ça. Bon, en plus, il faudrait ajouter effectivement les 500 000 établissements classés. Alors, je sais bien que dans les établissements classés, on trouve des précignes ou de ce type d'établissements, donc c'est très très large. Mais en dehors des sites Céveso même, il y a des usines, des fabriques, des entreprises en fait, qui peuvent être aussi très très dangereuses. Quand on dit que les normes actuelles protègent l'environnement, en fait, elles essaient de concilier deux logiques. Elle essaie de concilier le développement économique et la préservation de la santé publique. Donc, elles ne font pas que protéger la santé publique. Et donc, la santé publique peut souffrir aussi de privilégier aussi le développement économique. Donc, c'est un arbitrage, en fait, et ça dépend de où est-ce qu'on met le curseur. Donc, en fait, c'est une réglementation qui n'est pas là pour protéger la santé publique. Elle est là pour permettre à l'industrie de fonctionner tout en minimisant les risques, en fait. C'est complètement différent, en fait, et ça change le sens et la compréhension de ces normes. Et ça va, pour aller alors justement dans votre sens, effectivement, ces réglementations, comme vous venez de le dire, Thomas Leroux, qui sont là pour concilier le développement industriel tout en maintenant une certaine protection finalement de la population et de l'environnement. On a le sentiment que plus les normes Seveso avancent, plus elles sont révisées, plus elles devraient être en fonction des outils d'analyse scientifique dont on dispose, qui deviennent de plus en plus simples, donc de plus en plus rigides. Or, quand on voit ce qui s'est passé à Lubrizol, malgré les normes Seveso 3, il y a eu notamment deux, alors je retrouve évidemment plus mes notes, mais il y a eu non seulement plusieurs accidents en 2013 puis en 2015, mais aussi des augmentations de la capacité de stockage de produits chimiques sans consultation sans consultation de l'instance environnementale qui est censée être consultée. Voilà, c'est ça. Les 15 janvier et 19 juin dernier, de cette année, l'augmentation des quantités de substances dangereuses stockées sans consultation de l'autorité environnementale indépendante. Donc on a l'impression que ces normes finalement, qui sont censées être de plus en plus rigides, sont pas tant que ça, ou en tout cas aux entournures quand ça arrange, quoi. En fait, il y a un processus de court terme qui semble indiquer un assouplissement très très net de la réglementation. Par exemple, ces deux arrêtés préfectoraux d'autorisation d'augmentation des stocks sans étude d'impact environnemental, ont pu être pris parce que durant l'été 2018, il y a la loi ESSOC, un État pour une société de confiance, qui a permis en fait d'assouplir ces règles et donc qui a permis en fait au préfet d'autoriser l'augmentation de ces stocks sans étude d'impact environnemental. Par ailleurs, sur la question des établissements classés, depuis 2010. Il y a une nouvelle procédure qui est celle de l'enregistrement, qui permet en fait au préfet d'orienter les dossiers soit vers une autorisation, soit donc une demande d'autorisation, soit vers une simple déclaration. Et de fait, l'application de ce nouveau dispositif d'enregistrement a permis à un grand nombre de cas qui devaient passer par l'autorisation auparavant à ne plus y passer. C'est environ 30% des cas. Ça facilite énormément des mises en service d'installations qui peuvent être dangereuses sans procédure très très lourde. L'idée, c'est de simplifier d'un point de vue administratif pour les entreprises leur fabrication. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'au mois de septembre, juste avant l'accident, Édouard Philippe avait présenté un projet de loi qui visait à nouveau à une nouvelle simplification des suivis administratifs pour le développement économique et l'implantation d'usines et d'infrastructures dans toute la France. Donc malgré ces directives Seveso à l'un d'horizon qui sont, je le rappelle, à l'échelle européenne, finalement, chaque pays fait un peu comme il veut, y compris à l'échelle locale, puisque des arrêtés préfectoraux peuvent être pris sans finalement, voilà... en contournant et ces directives européennes et les directives nationales. Bah, écoutez, plusieurs choses. Alors, premièrement, je dis d'abord que je ne connais pas précisément la réglementation de l'usine Lubrizol, que ce soit très clair. Bon. C'est pas nouveau qu'on puisse faire un arrêté modificatif sans enquête publique, puisque dès lors qu'il y a une modification qui est apportée à une installation, si l'administration considère que son impact est mineur, non significatif sur les dangers qu'elle présente, elle peut parfaitement, effectivement, prendre un arrêté, on appelle ça un arrêté modificatif, sans procéder à une enquête publique. Enfin, il n'empêche que l'administration est informée, qu'elle regarde le dossier et qu'elle décide, oui, c'est effectivement mineur et on peut passer par un arrêté complémentaire simple, non, ça n'est pas mineur, ça remet en cause de manière significative les risques présentés, et à ce moment-là, il faut passer par une nouvelle autorisation et la procédure complète d'enquête publique. Deuxième point, l'enregistrement, effectivement, ça a été introduit il y a quelques années. L'enregistrement, c'est une autorisation. Alors la différence avec l'autorisation, c'est que on considère pour ce qui est des... Enfin, l'enregistrement, c'est réservé aux installations. Donc on connaît parfaitement les risques qu'elles présentent et qui peuvent être réglementés de manière, je dirais, systématique. En revanche, lorsque, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, il faut faire une étude vraiment très complète avec plusieurs risques et des impacts différents, à ce moment-là, on passe à la procédure d'autorisation. Alors, le préfet, il peut pas aiguiller entre enregistrement et autorisation. La nomenclature prévoit explicitement les entreprises soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Vous ne pouvez pas dire, ah ben non, moi je préférerais un enregistrement plutôt qu'une autorisation, ça n'est pas possible. Le pouvoir qu'a le préfet, c'est soumettre à autorisation une entreprise qui normalement relèverait dans l'enregistrement, mais dont il considère qu'il faut, compte tenu de l'implantation particulière de l'entreprise en question, passer par une procédure d'autorisation. Je voulais bien recadrer la réglementation. Et encore une fois, je ne connais pas la nature de ce qui avait été décidé en l'espèce pour Lubrizol, mais ce n'est pas du tout un concournement de la réglementation. C'est une application de la réglementation. Alors, on peut, et c'est le droit de Thomas Leroux, bien sûr, considérer que ce n'est pas normal, mais ils ont appliqué, en fait... La réglementation que vous décrivez. Sur Seveso, c'est une directive européenne. Oui, bien sûr. Donc la directive européenne, le principe, c'est que les États membres doivent prendre des réglementations qui leur sont propres et dans leur contexte juridique. Et les traduire, pour les traduire. Respecter les objectifs de la, directive. Hein. C'est pas comme un règlement qui s'applique de plein droit. Très bien. On va passer à une autre étape, puisque si pour cet accident de Lubrizol, les pouvoirs publics ont eu des discours contradictoires, voire pour certains confus, c'est parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain Dorizon, et comme on l'évoquait au début de cette émission, il est très difficile d'inférer à partir d'une liste de produits de base, parce qu'il y a produits de base, mais il y a aussi les produits qui les entourent, et notamment on pourra évoquer la question de l'amiante dans le toit, et bien d'inférer l'intégralité des réactions chimiques qui sont liées à la combustion et de ces réactions donc qui vont se produire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour essayer de comprendre comment la science nous permet de comprendre toutes ces réactions chimiques, vous êtes allé faire brûler des trucs. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Je suis allé à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, l'INERIS. Cet institut, il se divise en deux grands ensembles, celui des risques accidentels, qui étudie en conditions réelles les effets du feu, d'explosion ou autres sur certaines substances chimiques, et celui des risques chroniques, qui étudie l'impact à long terme des pollutions liées aux accidents industriels. Bernard Piquet est directeur du département des risques accidentels. Il nous explique comment sont réalisées les simulations d'accidents industriels à l'INERIS, quelles modélisations sont réalisées à partir de ces accidents simulés et comment ces travaux leur permettent d'accompagner les industriels ou l'État dans la prévention des risques industriels. Alors ici, vous vous trouvez sur ce qu'on appelle la plateforme incendie, dont le but est d'essayer d'étudier le comportement soit de substances, soit d'objets dans un incendie. Alors je dis soit de substances, alors ça peut être typiquement des substances qui vont dégager des produits toxiques. Donc ça va être de regarder leur comportement dans un incendie et d'essayer de quantifier la quantité de toxiques qu'ils émettent. Déjà les caractériser sous terme, c'est quelles substances ils émettent et d'autre part en quelle quantité. Tout ceci n'a qu'un seul but, c'est d'alimenter des modèles numériques qui ensuite sont développés aussi ici. Et donc, on a besoin pour ça de faire des essais, ce qu'on appelle des essais alors, en grand. Alors, il nous est même arrivé, pour caler un modèle d'effondrement d'entrepôt, de construire un vrai entrepôt, je crois qu'il faisait 2000 mètres carrés, de l'installer avec des racks, avec tout ce qu'il y avait dedans, et d'y mettre le feu, et de faire toutes les mesures qu'il fallait pour regarder son comportement à un incendie. Et ce qui permet ensuite d'alimenter le modèle numérique, et ensuite d'être... relativement sûr des prédictions qu'on va pouvoir faire. Tout ça est de pouvoir prédire ce qui va se passer sur le terrain. C'est une installation qui est composée de différentes chambres d'essai, un tunnel qui nous permet de tester notamment des feux en tunnel. C'est une première chambre d'essai que vous avez là devant vous, une deuxième chambre d'essai qui sont des chambres plus petites qui nous permettent de tester des produits jusqu'à une centaine de kilos. Et puis une chambre un peu plus loin, qui est une chambre qui fait 1000 mètres cubes, donc 10 mètres par 10 mètres sur 10 mètres, qui permet de tester typiquement l'incendie d'un véhicule. Donc on peut mettre un véhicule électrique, un peu à la mode, de le faire brûler et de regarder qu'est-ce qui en émane. Lorsqu'on fait un essai, il y a différentes phases. La plus grande des phases, c'est de préparer l'essai, c'est-à-dire de faire toute l'installation qui va nous permettre ensuite de faire l'essai. Et l'essai, il dure finalement assez peu de temps. C'est-à-dire une fois qu'on... entre guillemets, on a craqué l'allumette, finalement c'est un essai qui va durer au maximum une journée. Voilà. Quel type de relevé vous faites à partir du moment où l'essai est réalisé, est en cours? Qu'est-ce que vous allez mesurer, observer? Alors on va d'abord observer typiquement la perte de poids, à quelle vitesse l'incendie se passe. Alors typiquement, si on va sur la 1000 m3, vous allez voir qu'elle est équipée d'un plateau qui est une balance et qui va nous permettre de suivre finalement l'évolution du poids. La deuxième chose, c'est qu'on va capter sur les tuyaux de prélèvement. On a toute une batterie d'analyseurs qui nous permettent d'analyser en temps réel un certain nombre de composés et aussi de faire des prélèvements sur filtre ou sur d'autres substances qui vont être analysées dans des laboratoires qu'on a sur le site qui demandent pour le coup un peu plus de technique pour être analysées. Je suis un peu curieux, je ne sais pas si j'ai le droit d'entrer avec vous dans bâtiment. Oui, j'allais vous proposer d'aller voir une installation. Alors, voilà, donc typiquement la chambre de 1000 m3 où vous avez un plateau au milieu qui est en fait une balance sur lequel on va pouvoir installer un matériel. Alors typiquement là, c'était un des derniers essais que l'on a fait, c'était de regarder le comportement d'une protection au feu. Donc, derrière, vous avez des instruments de mesure qui vont mesurer le flux émis sur l'essai. Et tout ceci est capté et on va mesurer in fine les produits de combustion et les déterminer en qualité, qu'est-ce qu'on émet et en quelle quantité. Tout ceci est piloté avec un centre névralgique de contrôle dans lequel vous avez l'ensemble des analyseurs, enfin, ou en tout cas le report des analyseurs puisque les têtes de mesure ne sont pas là. Hein. Donc là on rentre un peu dans la tour de contrôle. De... Tour de contrôle et de pilotage qui permet... D'une part, de piloter la ventilation, c'est-à-dire qu'on peut faire un feu bien ventilé, qui est une problématique, et puis on peut aussi faire des feux qui vont être sous-ventilés. Et assez souvent, typiquement, c'est les feux de décharge. Hein. Les feux de décharge sont très mal ventilés, puisque ça s'échauffe à l'intérieur et le feu est très contenu. Et donc, les produits émis ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, la caractéristique n'est pas du tout la même. Et des systèmes de mesure où on va mesurer à la fois les températures et puis un certain nombre de composés chimiques avec là-bas ce qu'on appelle un FTIR, donc ce qui est un appareil à transformer de Fourier qui permet de déterminer le type de produit que l'on a et les quantités de produits que l'on a. Alors voilà. Vous êtes en charge des risques accidentels, donc les risques accidentels, si j'ai bien compris, c'est essentiellement lié au feu, aux incendies, aux explosions, à ce genre d'événements. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques qui sont pris en compte ici à l'INERS ? Oui, alors il y a le risque chronique, c'est-à-dire que dans un feu, si vous prenez un incendie, dans la première phase, vous pouvez être exposé et vous pouvez brûler à cause de l'incendie ou être exposé à des vapeurs très toxiques qui vont faire que vous pouvez soit mourir, soit être irrémédiablement intoxiqué. Donc ça, c'est mon métier. Mais une fois que l'incendie est passé, on a dispersé un certain nombre de polluants dans la nature et ces polluants vont pouvoir avoir parfois un impact à long terme sur les populations. Et là, il y a une direction des risques chroniques qui, elle, est chargée de regarder ces problématiques à plus long terme, de substances à plus faible dose que celles pour lesquelles moi je regarde la problématique, et qui vont regarder justement comment ça se passe sur le long terme, ce type de substances, quels impacts ça peut avoir à la fois sur l'environnement et sur l'être humain. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ces risques chroniques, vous pouvez aller sur la page de la méthode scientifique. Vous aurez une version longue de ce reportage avec en bonus l'interview de Philippe Hubert, qui est lui directeur des risques chroniques à l'INERIS. Voilà, ainsi qu'une petite vidéo qui a été postée sur votre compte ainsi que sur le compte de la méthode scientifique sur Twitter. Alain d'Horizon, une réaction en quelques mots, parce qu'on comprend bien que ça c'est de la recherche, c'est de la science en milieu fermé, donc contrôlé. Comment est-ce qu'on passe du milieu contrôlé à un milieu ouvert comme Lubrizol, où il y a tellement de paramètres supplémentaires qui s'ajoutent. Alors, d'abord, parce que je reviens sur ce que disait le collègue de l'INERIS. À l'INERIS, on ne fait pas uniquement des études en chambre. Hein, on est capable, il y a des grandes installations, de simuler du réel. Bon. Alors, ensuite, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez une entreprise comme Lubrizol, alors il faut savoir, la liste qui a été donnée par la préfecture des produits, il y en a à peu près 400. Hein. C'est ce que j'ai compté. Donc il faut connaître les produits, voir en quoi ils se transforment soit en se recombinant entre eux, soit sous l'effet du feu, les nouvelles substances que ça produit, et ensuite voir comment ça se diffuse à l'extérieur, et principalement, puisque dans l'incendie, c'est dans l'atmosphère. Et donc ça, ça passe par des modèles de diffusion et de diffusion atmosphérique, de dispersion atmosphérique, qui sont des modèles mathématiques hein, que l'on fait tourner, et qui permettent de définir en fait ce qu'on appelle des panaches. Dans l'atmosphère, dans un premier temps, puisque l'atmosphère, ensuite, il y a des pluies, ça retombe dans le sol, etc. Dans l'atmosphère, dans un premier temps, alors après, vous avez la pluie qui tombe là-dessus, et tout ça finit par se retrouver, moyen terme, c'est dans les sols, d'abord, hein, et puis également, par ruissellement, ça se retrouve dans les eaux. Et là, c'est la surveillance des eaux qu'il faut faire. Et puis ensuite, il y a le long terme, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Thomas Leroux, comment on évalue cette différence de toxicité? À court terme, on a compris que c'est pas simple. À moyen terme, c'est encore plus compliqué. À long terme, quelle visibilité on peut avoir pour les habitants de Rouen, les riverains de Lubrizol aujourd'hui? Il ne fait pas de doute, tout d'abord, que l'INERIS fasse un bon travail. Ils ont une réelle compétence pour évaluer les risques, mais comme il a été dit, en fait, ils sont là dans l'accompagnement, en fait, donc pour conseiller l'industriel ou pour évaluer certaines substances. La difficulté, c'est la multiplication de ces produits, 400 produits dans l'usine Lubrizol. Finalement, on est dans un système qui questionne pas suffisamment la pertinence sociale ou la pertinence générale de telle ou telle fabrication, en fait. Et là, on parle, c'est vraiment la question de l'accident, de la catastrophe et de la pollution chronique. Parce que quelle est l'influence de ces fumées sur l'environnement à Rouen? Mais en fait, on est dans des produits qui, de toute façon, auraient été dispersés dans l'atmosphère ou dans les eaux, parce que c'était des produits qui servaient pour les lubrifiants et les essences, et que donc, finalement, ces produits auraient fini dans l'environnement, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais transformés, mais d'une autre manière, et pas brûlés, pas mais bon, dans cet état-là. La toxicité, on sait que ce sont des produits toxiques d'une façon générale. Après, la question, c'est la gestion par le seuil et par les doses, et c'est justement là où on revient à la frontière entre gênant ou toxique, et les effets à court terme, ou à long terme. Mais on sait que ce sont des produits toxiques, sauf qu'on fait une gestion par les effets de seuil et la dose. Et puis va se poser également, et comme toujours après ce risque, ce type d'accident, la question de la prévention, et c'est ce dont nous allons parler dans la recherche Montre en main. Avec aujourd'hui Sarah Van Driesch, bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis France Bleu à Nancy, vous êtes en deuxième année de thèse à l'université de Lorraine et vous travaillez précisément sur la prévention des risques environnementaux. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous, on vous écoute. Je vous remercie pour cette invitation. Je réalise donc une thèse en économie au sein du BETA, le Bureau d'économie théorique et appliquée, et mes travaux de recherche portent sur la prévention des risques environnementaux. Alors, avant de définir le risque environnemental, il faut savoir que la notion de risque comporte deux facteurs. D'une part, la probabilité qu'un événement indésirable se produise, et d'autre part, les conséquences de cet événement indésirable. Cela nous amène à la définition du risque environnemental comme étant un ensemble d'effets indésirables qui menacent les êtres vivants et leur écosystème, et qui découlent les activités d'une société. Aujourd'hui, nous sommes tous menacés par ces risques. Il suffit de penser par exemple à la pollution, au changement climatique, ou aux risques technologiques, comme l'incendie de l'entreprise Lubrizol, dont vous parlez aujourd'hui dans cette émission, ou encore la catastrophe de l'usine Azote Fertilisant à Toulouse, qui a eu lieu en 2001 et qui a également été mentionnée. Le but de ma thèse est donc d'essayer d'apporter des recommandations en matière de politique publique, afin d'éviter que ces risques ne se produisent. Dans un premier temps, l'analyse se fait au niveau des entreprises. Il s'agit d'étudier une situation que l'on appelle la responsabilité multiple, c'est-à-dire une situation où plusieurs auteurs risquent de causer, ensemble, un dommage commun. On peut imaginer le cas de firmes qui sont situées à proximité les unes des autres et qui, par manque de mesures préventives, peuvent potentiellement contribuer à la pollution de l'environnement avoisinant. Comme par exemple la pollution d'une rivière qui s'écoulerait le long de ces firmes. Dans notre étude, les firmes doivent décider, ex ante, si elles souhaitent ou non investir dans des mesures de précaution, qui pourraient être l'achat de nouvelles machines plus performantes ou la formation de leur personnel, afin de réduire la probabilité que ce dommage survienne. Cet investissement est cependant coûteux pour les firmes et vient réduire le profit découlant de leur activité. Nous allons alors comparer deux façons de répartir la réparation de ce dommage, à supposer qu'il survienne, entre ces firmes. Nous allons confronter un partage égalitaire, où le coût du dommage est réparti de manière égale entre chaque firme, à un partage qui serait proportionnel au niveau d'investissement réalisé par les firmes. Ensuite, nous allons voir comment ces différentes manières de répartir le coût du dommage, toujours dans l'hypothèse où il surviendrait, influencent en amont l'investissement des firmes. En effet, savoir que l'on va être tenu responsable en cas de dommage nous incite à prendre des mesures préventives afin d'éviter sa survenance. À l'issue de cette recherche, nous espérons pouvoir nous positionner en faveur de l'une ou l'autre méthode de répartition du coût, car elle correspondra davantage à un niveau d'investissement qui maximise le bien-être de la société dans son ensemble. Nous souhaitons également déterminer si le fait de mettre en jeu la réputation des firmes peut influencer leur niveau d'investissement. Dans un second temps, l'analyse se fait au niveau des individus. Dans le contexte du changement climatique, cette fois-ci, nous voulons étudier la relation entre les mesures d'autoprotection et d'auto-assurance. Il s'agit de deux types d'investissements qui peuvent être réalisés par un individu en prévention d'un événement défavorable. Alors, les mesures d'autoprotection visent à diminuer la probabilité du dommage. Et dans le cadre du changement climatique, on peut imaginer qu'un individu choisisse de prendre les transports en commun plutôt que sa voiture pour se déplacer, afin de limiter ses émissions de CO2. Ou encore qu'il décide de réduire sa quantité de déchets et de les trier. En revanche, les mesures d'auto-assurance permettent de réduire le coût du dommage s'il survient. Dans le cas du changement climatique, il peut s'agir par exemple d'investissements dans l'isolation de son logement pour faire face aux éventuelles vagues de chaleur. La particularité de cette relation réside dans le fait que les mesures d'autoprotection bénéficient à l'ensemble des individus, y compris à ceux qui n'ont pas pris de telles mesures, alors que dans le cas des mesures d'auto-assurance, seul l'individu concerné bénéficie des avantages de l'investissement qu'il a réalisé. Parvenir à éliciter, autrement dit à formaliser les préférences des individus en matière d'autoprotection et d'auto-assurance, c'est-à-dire parvenir à définir la somme qu'ils sont prêts à investir dans chacune de ces deux mesures, nous permettra alors de concevoir des politiques adaptées qui permettraient d'atteindre la combinaison optimale de ces deux mesures. Merci beaucoup Sarah Vandrich pour la présentation de vos travaux. Un mot de conclusion peut-être Thomas Leroux sur finalement ce que la science peut aujourd'hui apporter dans le cadre de ces catastrophes industrielles. Vous disiez dans une autre émission, on ne tire pas du tout les leçons des catastrophes passées, il y en aura plein d'autres. C'est pas très rassurant, ça veut dire qu'aujourd'hui les scientifiques, malgré les directives, malgré les normes, sont impuissants face aux risques industriels en France ou dans n'importe quel autre pays. On a beaucoup parlé d'incertitudes en fait dans cette émission sur la variété des produits, sur la façon dont ils sont produits, sur les émanations que les usines dégagent. Je pense que la question elle est éminemment politique en fait, comme le disait Alain Dorisson, la science n'est pas là pour décider, ce sont aux décideurs de décider. La science peut éclairer, mais elle n'est pas seule, loin de là, pour établir des diagnostics. Il pourrait y avoir des diagnostics d'autres types de disciplines qui ne sont pas forcément spécialistes des produits, mais qui peuvent aussi apporter un éclairage historique, sociologique, philosophique, anthropologique, pourquoi pas. C'est ce que nous avons modestement essayé de faire aujourd'hui. Merci à tous les deux, merci Alain Dorisson, merci Thomas Leroux, merci Sarah Vandrich, merci à nos camarades de France Bleu, à Nîmes et à Nancy pour les duplex. Un mot pour vous dire qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est le jour de retrouver les idées claires en podcast, une idée reçue ou une fausse information, une infox démontée à travers le prisme et la lecture d'un scientifique ou d'une scientifique. Aujourd'hui, nous posons la question de l'allaitement. Est-il absolument nécessaire, indispensable à la bonne santé de l'enfant? C'est sur votre application de podcast préférée ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info en vidéo. Et puis ce soir, ne manquez pas le troisième épisode du À Voix Nue signé par le camarade Antoine Beauchamp sur l'ex-administrateur du Collège de France et le grand neurobiologiste Alain Prochian. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique avec Étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulf, Francine Le Zen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Adèle Gaglard à la technique. Demain, nous vous dévoilerons tous les secrets de la célèbre machine à coder nazie dont le craquage, dit-on, a permis aux alliés de gagner la guerre. Craquage rendu possible par Alan Turing, et c'est son neveu Dermot Turing qui viendra nous en parler en VO dans le texte. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.